Nightmare, la flève prod, un G. Écoute ça fort, niggas. G. Ok, 132, 1. T'as fait ci, t'as fait ça pour faire le show devant tes straps. J'ai saisi leur message, y'a de tout chez les banlieusards. Quand je précise mes écarts, c'est juste une mise en garde. La bêtise est humaine et se développe plus sans garde. On s'écarte peu à peu, le droit chemin devient thérapeute. Certains et plus, les genoux au sol, dernier recours, s'en remettre à Dieu. Pour d'autres, c'est paradoxal, mais ils sont contradictoires. Je te le dis, histoire de te faire cogiter, alors méfie-toi. Des apparences, mon flow pèse trop sur la balance. Viens pas pour faire le vaillant, mais t'inquiète, je suis polyvalent. Va de l'avant, que ce soit posé ou en bras. Tu rêves de la poule aux odeurs, tu ferais du bif en m'employant. Niggas, on sort de nulle part. T'hallucines, c'est soit tu kiffes la musique ou à la limite, nous calcule pas. On a la vibe qui met en transe vos gâchis normal. Yeah. Il n'y a pas de gâchis. Nightmare. Je bave à 16 frères. Aujourd'hui le rap dégoûte, expert en inceste, y'a plus d'un schlac qui va se prendre des coups. L'industrie du disque produit des types qui donnent leur poule facile à travestir, leur son ne fait pas partie de ceux que j'écoute. Mon flow ça va de ces petites garces qui en font trop. On arrive en scred, fait de la place, ça la sauce dingos. Personne me donne de conseils, j'arrive peut-être baissé, je suis là pour foutre ma merde des fois ceux qui salissent le rap français. C'est pas challenger, foncé sans manager. Putain d'être blagueur, être nocif, c'est ma nature. Les gens parlent sans savoir qui on est. Demande à Dapro et Jimoni, nous on a plus le temps d'être honnête. Polo, s'arrache-toi, c'est un principe à ce discours. L'important c'est pas la taille du bazar, mais ce que t'as dans les couilles. Sache qu'aux Ulysses, le rap se limite pas, c'est Nick et James. Ma vie abrite tellement de talent que t'as pas fini de manger des pâtes. Sale chien. G. 1. Mêle-toi de tes affaires, viens pas fouiner dans nos trucs. J'calcule pas les bugs, j'adopte la politique de l'autruche. Des fois tout me saoule, j'ai besoin d'un bol d'air. C'est le bordel dans ma tête, celui qui bronche mange une golden. J'aime les challenges, surtout quand la barre est trop haute. J'vois rouge comme un taureau, mais j'ai la classe des taureaux. J'vais réussir ma vie et j'ferai tout pour y arriver. Même si certains font tout pour me faire chier, j'vais les bouleverser. J'ai toujours la rage, voilà pourquoi j't'en parle encore. J'extériorise mes démons, j'attrape le chétan par les cornes. Cognot, c'est pas l'école qui a fait de moi ce que j'suis devenu. Je reste fidèle à moi-même, pas besoin de raconter deux flux. Ça reste brut, normal, j'ai envie de qu'écro. La pomme, j'évite les crocs, mais les connards comme Finkielkraut apprécient. Oui, Rai, les gars de Pit Street, le monde est à nous, donc on sert comme à l'épicerie. Bah J. Magicien 12. Weed Brother. Ok, c'est dose, on est là chez Flev. Pas le genre de gars à écouter Dev. Non, juste un gros star au bout des lèvres. On a vu le chétan, mais où est Eve? Des jours comme ça où tout m'énerve. Métro, boulot, stress. Y'a que la zip pour que je décompresse. Des bons vinyles, mais qui voudrait qu'on cesse? Que notre score baisse. Mes rimes sont comme des bonnes Cortez ou un bon Scorsese sur un son d'orfèvre. Pas de chef d'orchestre. S'il y a du monde, on ramène d'autres chaises. Et ouah, c'est pour la famille. Si jamais t'as la dalle, mon son rassasie. Tu ne pourras pas dire, Dose me l'a pas dit. Les jaloux arrivent au dernier stade de la maladie. Trop de bouffons. J'esquive ces vilains comme si je jouais à sauce mouton. Cousin, j'ai pas le cerveau d'un vieux crouton. Chroniqueur poteau, la saveur d'un vieux bourbon. Love, love. Puff, puff. Yeah. Yeah. Trop temps loose, les gars pousse, leur meuf à des portes de partout, et partout, et partout, gars. Des hommes, des bazookas, bouge ta bouche, toi. Boucan, les mecs, les ailes pleines cordes, loin des tiennes comme Bouddha. Et moi, j'toute, moi, couche-toi par terre, les mains sur la tête, ne bouge pas. Bouge, et tu verras le type à la blouse blanche, tout par en couille, dès que le premier coup part, à tous, place là, le coupable. On se couche tard, je suis pas chouette là, tu te trouves là dans le trou noir. Tu te prouves quoi, tu ne groupes pas, tu glousses dès que te pousses pour voir et tu trouves tout ça sournois. Mais le rap me soulage, moi. Moi, sûr, je finirai pas sous les sous rouges, quoi, peut-être sous gros star, toi. Toi, t'es perdu dans mes lyrics, bouge, là, mais t'es soudain, t'es plouc aux histoires trop louches, quoi. Chut, ta gueule, trop. trop tard loose. Ils croivent quoi? 06 OTT 92. Ils croivent quoi? Qui m'étonne? La clair flow monotone. Ils m'étonnent sur le tir. On m'étonne à délire. Mais t'attends pas de gaz rame. J'ai la coque et la top. Mais t'adores dans les veines. Toutes les drogues dures. Mais t'adores. Les juges plein coupables. Pour moi qu'on traite comme un mal propre. Mais t'es mort. Tu te détruis par tes propres mains. Mais t'es pas. En fait t'es ton frère Jim qui met tes balles. Comme tu les épaules. On se bite avec ta l'alcool. Mais même mec ton année de haine illicite. Détruit par l'électrique dure. T'as craché sur la douce à 17 buts. Si chou ta gueule, chou ta gueule. Arcleur le sens lourd, made inside. Encore des litres, ODT, un mixte. Moi j'm'en bats les couilles des gens, mec. J'suis d'origine comme mes gens. Du seum dans la machine, j'fais pas dans la machine et dans l'échange. J'roule à bas régime dans les champs de champs. Résine et parisine, vraie vie de parisien. Paraît-il, ici, reste en chance. J'm'en étais étrange, non. Est-ce que t'étais franchement? Est-ce que t'étais dans le genre à donner des dons dans le vent? À donner des sous dans le son? À pas donner les coups dans le dos? À part te rendre les coups avant même de des coups dans le sang? Tente, de temps en me tente. J'attendrai pas pendant 100 ans qu'on s'entende. Dans la seconde. Ouais, t'es comme dans le film. ODT mixtape, n'oublie jamais. Wicked One, Graffiti Maker, Max, Jiris. Nausée, Yulk, Moses, Cray, Bonnard, Shit, Paris-Marseille, Wira, Sake, Shit. Red, are you having a good time so far? Noise in here this evening. And close the doors, cause we gonna party here all night tonight.